Alors j'en viens à la grande question des risques psychosociaux pour lesquels on n'a ni définition juridique ni définition statistique. Alors je n'ai pas encore lu le rapport du Collège d'experts dans son intégralité, mais j'ai été au moins piocher la définition qu'il propose de ces risques psychosociaux. Donc c'est des risques pour la santé mentale, physique et sociale engendrés par les conditions d'emploi et les facteurs organisationnels et relationnels susceptibles d'interagir avec le fonctionnement mental. On a plutôt ici affaire à une liste hétéroclite qui rassemble à la fois des affections, des pathologies, mais aussi des symptômes ou alors des causes d'affection, donc des choses très, très différentes comme le stress, la fatigue, le burn-out, la dépression, la souffrance, le harcèlement moral, le harcèlement sexuel, les violences au travail et les suicides. Donc je vais m'arrêter sur quelques-unes de ces catégories. Ces risques sont difficilement objectivables et en même temps, ils apparaissent très fréquemment dans le discours des salariés sur leurs conditions de travail. Hein, dans la quatrième enquête européenne sur les conditions de travail, donc là, je n'ai pas été actualiser les choses, donc c'était celle de 2005, le stress et la fatigue apparaissent en tête des atteintes à la santé ressenties dans le travail, juste derrière les troubles musculo-squelettiques. Il y a 22,3% des travailleurs interrogés qui déclarent être atteint de stress et 20% atteint de fatigue, hein, concerné par la fatigue. Alors, si j'en viens au stress, c'est le risque psychosocial à la fois le mieux défini et en même temps le plus vulgarisé, donc avec deux tendances contradictoires, qui renvoient à des processus organiques, mais dont les psychologues ont montré que c'est très lié à la manière dont on se représente la réalité, en l'occurrence les contraintes et les ressources dont on dispose dans son travail. Alors, la définition institutionnelle du stress, elle vient de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, dite Agence de Bilbao, dont je cite ici la définition, et qui est une définition qui est très largement reprise par les institutions publiques, l'INRS, le gouvernement. Donc, c'est un déséquilibre entre la perception qu'une personne a des contraintes que lui impose son environnement et la perception qu'elle a de ses propres ressources pour y faire face. Bien que le processus soit donc d'ordre psychologique, les effets du stress ne sont pas, eux, uniquement de même nature. Ils affectent également la santé physique, le bien-être et la productivité. Je disais qu'on a ici une définition très... c'est une des catégories les mieux définies. On a deux modèles épidémiologiques qui sont utilisés pour appréhender le stress. Donc là, je vais peut-être aller vite, je pense que vous connaissez bien. Le modèle de Karasek, qui est utilisé notamment dans l'enquête Sumer, l'enquête surveillance médicale des risques professionnels, qui articule trois dimensions. La demande psychologique, quantité des tâches, complexité des tâches, imprévisibilité des tâches, contrainte de temps, interruption, demande contradictoire dans son travail, injonction contradictoire. Deuxième dimension, la latitude décisionnelle, c'est-à-dire à la fois l'autonomie décisionnelle, mais aussi, dans Karasek, mais ça apparaît moins bien dans les enquêtes statistiques, la possibilité d'utiliser ses compétences et ses qualifications dans son travail, et voire de les développer. Enfin, dernière dimension, le soutien social au travail, de la part à la fois des collègues et de la hiérarchie. C'est quelque chose, c'est une approche, un modèle épidémiologique qui a été critiqué en particulier pour prendre faiblement en compte, et c'est pas anodin du point de vue des problématiques de genre, prendre très faiblement en compte les carrières, la sécurité de l'emploi, la manière dont on perçoit ses chances de promotion, etc. C'est quelque chose qui est peut-être compensé par le modèle de Sigrist, qui lui va porter la focale sur les situations de déséquilibre entre effort et récompense. Effort qu'il dit à la fois extrinsèque, c'est-à-dire là ça renvoie aux contraintes du travail de façon très proche du modèle de Karasek, et effort intrinsèque, c'est-à-dire tout ce qui est attitude, tout ce qui relève des attitudes qui peuvent être associées à un engagement excessif dans le travail, l'irritabilité, l'impatience, l'hostilité, l'incapacité à s'éloigner du travail, etc. Et puis les récompenses qui sont d'ordre à la fois financière, en termes de rémunération, mais aussi symbolique, en termes d'estime, mais aussi en termes de sécurité d'emploi, de perspectives de promotion. Alors, sur la base de ces modèles épidémiologiques, le Collège d'experts a avancé aussi un élargissement, à proposer un élargissement sur cette base pour appréhender les risques psychosociaux plus largement. Alors vous voyez que là je reprends leur rapport intermédiaire qui proposait d'articuler 6 dimensions des facteurs de risque psychosociaux dans lesquelles on retrouve effectivement ces modèles. Exigence du travail, mais pas seulement, exigence du travail, exigence émotionnelle du travail, par exemple les tensions avec le public, avec les usagers ou les clients, le manque d'autonomie et de marge de manœuvre, la mauvaise qualité des relations au travail, le manque de soutien, le manque de reconnaissance, au moins étranger ici, les conflits de valeurs, les problèmes éthiques, de conscience professionnelle, qui apparaissent moins dans les modèles précédents, et l'insécurité de l'emploi et de la carrière. Encore une fois, insécurité de l'emploi et de la carrière, qui me semble absolument pas neutre du point de vue de l'analyse du genre du mal-être au travail. Au passage, je fais référence là donc au dernier numéro de Travail et Emploi, hein, qui porte beaucoup sur cette question des risques psychosociaux, hein, qui présente différents articles issus de ces réflexions, dont une de Damien Cartron et Catherine Gaspard sur la notion de désajustement. C'est-à-dire dans le cadre du Collège d'experts, on a demandé à différentes disciplines, d'avoir des revues de littérature qui pourraient éclairer, donc des revues de littérature portant sur des enquêtes monographiques, qualitatives, pour essayer de tirer de ces enquêtes, de cette revue de littérature, des pistes pour essayer d'améliorer les indicateurs de risques psychosociaux. Et revue de littérature qui a été faite en sociologie, insiste beaucoup sur cette notion de désajustement, en fait, qui permet de rassembler, de relier entre eux des cas qui peuvent être empiriquement extrêmement variés, étudiés avec des perspectives théoriques extrêmement différentes, mais qui permettent de décrire tous les petits décalages dans la situation de travail qui sont source de souffrance ou source de risques psychosociaux, selon l'appellation qu'on veut bien utiliser. Ça va aller donc des décalages entre les compétences du salarié et son poste de travail, entre les objectifs et les moyens matériels mis à sa disposition, entre les compétences réellement utiles pour le poste et les critères formels d'évaluation, entre la définition par le salarié du travail bien fait et ce qui est attendu de sa hiérarchie, entre l'investissement des personnes dans leur travail et la reconnaissance qu'ils en obtiennent, entre les tâches à accomplir et les valeurs éthiques auxquelles le salarié est attaché. Je passe rapidement, mais ce qui me semble intéressant, c'est de montrer que, justement, ce qui n'est pas perçu dans les enquêtes statistiques, c'est-à-dire ces petits ajustements, ces petits décalages qu'on a beaucoup de mal à saisir à travers les études statistiques, qui en plus suscitent des critiques de faible ampleur, et qui sont faible ampleur, rarement saisies par les organisations syndicales ou les instances représentatives du personnel, et qui sont donc peu susceptibles de porter une objectivation de ces pénibilités. Si j'en viens au burn-out, alors là, on n'est plus vraiment dans la catégorie statistique, mais plutôt dans la catégorie clinique, sur laquelle Marc Loriol a beaucoup écrit. Donc pour aller vite, c'est des situations d'épuisement professionnel qui sont rencontrées dans des situations où, donc là, ça part surtout des infirmières, mais ça a été ensuite généralisé à d'autres professions et également au cadre, dans lesquelles il y a un très fort engagement, parfois des infirmières qui sont trop proches de leurs patients, trop compassionnelles, et qui en viennent à ne plus supporter cette relation, à développer une posture cynique, qui enclenche un cercle vicieux, c'est-à-dire d'une souffrance qui est croissante, une posture de plus en plus cynique qui aboutit à de la dépression. Cette catégorie clinique, en fait, son problème, c'est que c'est toujours réduit à une question de compétences personnelles, de gestion individuelle des contraintes, mais on peut quand même, en lien avec cette catégorie, penser à des choses qui peuvent être saisies à travers les enquêtes conditions de travail. Ça dit aussi des choses, cette catégorie dit aussi des choses de la concentration des salariés, des femmes salariées, dans des métiers en contact avec le public. 75% des femmes sont en contact avec le public, contre 62% des hommes, et surtout des métiers en contact avec la souffrance des personnes. 46% des femmes sont en contact avec des personnes en situation de détresse, contre 31% des hommes, d'après les enquêtes conditions de travail. J'ai décroché du chronomètre. Il me reste combien de temps là? Je ne sais pas, midi et quart. D'accord. Ok. Sur le harcèlement, je ne vais pas revenir sur l'origine du terme, la loi de janvier 2002, qui finalement définit très peu cette notion, et qui finalement est une notion qui a été définie précisément dans la jurisprudence. Donc là, je renvoie à l'article harcèlement justement du dictionnaire du travail, où un ancien inspecteur du travail là, donne justement des éléments de cette jurisprudence: mise à l'écart dans l'activité professionnelle, déclassement dans les tâches confiées, dénigrement du travail réalisé, privation d'avantages accordés aux autres salariés, comportement autoritaire et arbitraire, propos injurieux, humiliation, sont là tout un ensemble d'indices en quelque sorte mobilisés par les tribunaux pour reconnaître le harcèlement moral au travail. Ce harcèlement peut être reconnu comme tel, même s'il n'y a pas une intention délibérée. Et depuis des arrêts, deux arrêts fin 2009 de la Cour de cassation, on considère que le harcèlement moral peut être aussi le fait d'une méthode de gestion collective, donc pas seulement d'une personne harceleur. En lien avec cette question du harcèlement moral, d'un point de vue statistique, on commence à percevoir l'ampleur de la violence morale au travail grâce à l'enquête SUMER, surveillance médicale des risques professionnels, qui comporte un questionnaire auto-administré sur les situations difficiles au travail, qui, dans sa version de 2010, dont on a seulement les premiers résultats qui ont été publiés, concerne énormément de salariés. Hein. Ce questionnaire auto-administré, il a été rempli par 97% des 48 000 salariés répondants en 2010. Donc il y a plus de répondants aujourd'hui. Les chiffres que je vais vous citer là sont sans la fonction publique, qui fait partie du panel étudié en 2010, mais dont les résultats n'ont pas encore été publiés. Il apparaît donc en 2010 que près d'un salarié sur quatre, 22%, déclare subir un comportement hostile de la part d'une ou plusieurs personnes dans leur travail. Est-ce que je l'ai mis ? Non. 22% donc, un comportement hostile. Il n'était que 16-17% en 2003. Donc des comportements hostiles qui progressent dans les années récentes. Comportement hostile qui renvoie en majorité à un comportement méprisant au travail. Alors, comportement méprisant, c'est on tient sur vous des propos désobligeants, on vous ignore, on fait comme si vous n'étiez pas là, on vous empêche de vous exprimer, etc. Ça a énormément progressé. On est à 15,4% des salariés qui font référence à des comportements méprisants. C'est plus 50% par rapport à 2003. Également aussi un déni de reconnaissance. Alors, déni de reconnaissance, c'est on critique injustement votre travail, c'est l'expression la plus fréquente de ce déni, ou on vous charge de tâches inutiles ou dégradantes, on sabote votre travail, on vous empêche de travailler correctement. Les répondants sont aujourd'hui 13,2%, 13,2% des salariés enquêtés qui répondent, qui disent subir un déni de reconnaissance. C'est en progression de 33% par rapport à 2003. Et puis enfin, il y a les atteintes dégradantes. On vous dit des choses obscènes ou dégradantes. On laisse entendre que vous êtes mentalement dérangé, donc qui touche à la dignité de des personnes qui sont là plus faibles. Hein, c'est 3% aujourd'hui. Alors, pour les différences hommes-femmes, j'y reviendrai tout à l'heure, mais pour l'instant, les premiers résultats de 2010, justement, ne permettent pas de mesurer ces différences hommes-femmes. Dans l'enquête de 2003, là, on voit apparaître des différences relativement légères, finalement. Les comportements méprisants sont plus souvent, en tout cas, plus souvent exprimés par les femmes que par les hommes. Sur les suicides, là, c'est plus sur les très grandes difficultés à avoir une idée de l'ampleur du phénomène, avec notamment en particulier le paradoxe de leur médiatisation, de leur reconnaissance. Et en fait, on les perçoit mieux là où il y a justement des collectifs de travail structurés qui vont permettre la médiatisation, la reconnaissance de ces suicides au travail, en particulier chez France Télécom ou dans la police. Mais ailleurs, là où justement ces collectifs de travail sont déstructurés, quelle est l'ampleur du phénomène? C'est bien difficile de le dire. Il y a très rares tentatives d'estimation statistique. Alors j'en avais vu une de l'Institut de veille sanitaire qui tendait à conclure à une stabilité de la mortalité par suicide des travailleurs salariés entre 1976 et 2002. Je passe sur la jurisprudence à qui revient la charge de la preuve. On peut s'interroger sur la singularité des suicides liés au travail vis-à-vis des suicides en général, sachant que, du point de vue du genre, les hommes se suicident trois fois plus que les femmes. Alors, si on regarde en lien, un chiffre en lien avec ces problématiques de genre, entre janvier 2008 et juin 2009, la Caisse nationale d'assurance maladie avait reçu 72 demandes de reconnaissance de suicide comme accident du travail, 72. Parmi ces 72, 85% des victimes étaient des hommes âgés de 40 à 57 ans. C'est un chiffre, bien sûr, à manier avec des pincettes. Hein. C'est ceux qui font la démarche, enfin, dont les familles font la démarche d'engager une reconnaissance auprès de la Caisse nationale. Mais ça tendrait à accréditer l'idée qu'il n'y aurait peut-être pas une singularité propre des risques liés au travail par rapport des suicides liés au travail par rapport aux suicides en général. Alors j'en viens à une catégorie beaucoup plus neutre, certainement que celle que je viens de passer en revue, celle des conditions de travail, qu'on peut définir comme l'ensemble des caractéristiques de la situation de travail, tant matérielle qu'organisationnelle, les horaires, les modes de prescription, un terme à la fois neutre et en même temps de plus en plus extensif. Hein, si on regarde la jurisprudence récente, on peut se demander ce qui n'est pas condition de travail. Hein. Le mode de rémunération, les systèmes d'évaluation du travail, tout ça est aujourd'hui considéré comme condition de travail relevant du périmètre de compétences, notamment du CHSCT, du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Alors, les enquêtes statistiques, justement, se focalisent beaucoup sur les conditions de travail et l'exposition des salariés à tel ou tel risque. Ce sont des enquêtes qui, de mon point de vue, sont extrêmement efficaces pour décrire des évolutions. La plus connue d'entre elles, la plus illustre d'entre elles, c'est l'intensification du travail. Alors, quelques données statistiques sur cette évolution, hein, qui est faite à la fois d'un renforcement des contraintes de rythme de travail et d'un accroissement des pénibilités physiques et de la charge mentale au travail. Les enquêtes conditions de travail ont permis de montrer une progression très forte de l'intensification du travail entre les années 80 et la fin des années 90, et puis depuis une stagnation de cette intensification. Donc là, vous avez différentes variables qui sont prises en compte dans l'enquête conditions de travail, qui tendent à avoir plutôt une certaine pause dans l'intensification, même si, par exemple, le fait de devoir fréquemment abandonner une tâche pour une autre plus urgente progresse, hein, concerne maintenant 6 salariés sur 10. Enfin, en 2005, 6 salariés sur 10. Mais dans la période récente aussi, enfin dans les années 2000, début des années 2000 aussi, un coup de frein dans l'autonomie des salariés, c'est-à-dire dans les années 90, ce que montrait l'enquête conditions de travail, c'était que l'intensification allait de pair avec une plus forte autonomie donnée aux salariés. Cette autonomie semble aujourd'hui se réduire, enfin aujourd'hui, pardon, dans l'enquête conditions de travail de 2005, se réduire, hein, on reviendrait plutôt au début des années 90 sur différentes variables.